Le mal du pays. Je veux aller mourir au lieu où je suis née. Le tombeau d'Albertine est près de mon berceau. Je veux aller trouver son ombre abandonnée. Je veux un même lit près du même ruisseau. Je veux dormir. J'ai soif de sommeil, d'innocence, d'amour, d'un long silence écouté sans effroi, de l'air pur qui soufflait au jour de ma naissance. Doux pour l'enfant du pauvre et pour l'enfant du roi. J'ai soif d'un frais oubli, d'une voix qui pardonne, qu'on me rende Albertine. Elle avait cette voix qu'un souvenir du ciel à quelque femme donne. Elle a béni mon nom, autre part, autrefois. Autrefois, qu'il est loin le jour de son baptême, nous entrâmes au monde un jour qu'il était beau. Le sel qui l'ondoya fut dissous sur moi-même. Et le prêtre pour nous n'alluma qu'un flambeau. D'où vient-on quand on frappe aux portes de la terre, sans clarté dans la vie où s'adressent nos pas, inconnus aux mortels qui nous tendent les bras, pleurant comme effrayés d'un sort involontaire? Où va-t-on quand, lassé d'un chemin sans bonheur, on tourne vers le ciel un regard chargé d'ombre, quand on ferme sur nous l'autre porte, si sombre, et qu'un ami n'a plus que nos traits dans son cœur? Ah, quand je descendrai rapide, palpitante, l'invisible sentier qu'on ne remonte pas, reconnaîtrai-je enfin la seule âme constante qui m'aimait imparfaite et me grondait si bas? Te verrai-je, Albertine, ombre jeune et craintive? Jeune, tu t'envolas peureuse des autans. Dénouant pour mourir ta robe de printemps, tu dis: semer ses fleurs sur ma cendre captive. Oui, je reconnaîtrai tes traits pâles, charmants, miroir de la pitié qui marchait sur tes traces, qui pleurait dans ta voix, angélisait tes grâces, et qui s'enveloppait dans tes doux vêtements. Oui, tu ne m'es qu'absente, et la mort n'est qu'un voile, Albertine, et tu sais l'autre vie avant moi. Un jour j'ai vu ton âme au feu blanc d'une étoile. Elle a baisé mon front, et j'ai dit: c'est donc toi? Viens encore, viens, j'ai tant de choses à te dire. Ce qu'on t'a fait souffrir, je le sais, j'ai souffert. Ô ma plus que sœur, viens, ce que je n'ose écrire, viens le voir palpiter dans mon cœur entrouvert.